Le printemps est enfin arrivé et pour vous préparer pour la belle saison, le magasin Canadian Tire est fin prêt. Que ce soit pour les articles de piscine, tondeuse ou le centre du jardin qui ouvrira très bientôt, le magasin Canadian Tire a tout ce qu'il vous faut. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Adolbo-Mistassini, canadiantire.ca. Le magasin Canadian Tire tient à souligner le mois de l'arbre et de la forêt. La forêt, un des moteurs économiques de notre secteur. La Société Sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La Société Sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080 et est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. C'était le camp printanier des gagnants ou des finalistes du Bol d'Or l'an dernier. C'est-à-dire, on parle évidemment des Gaillards de Jonquière en fin de semaine au football. Et on va parler avec François Laberge. Salut François. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. François, content de ce que tu as vu en fin de semaine? Oui, on a eu un bon pré-camp, on est bien content. OK. Les choses ont bien progressé cet hiver. On a amené de la nouveauté au niveau de la défensive, puis au niveau à l'attaque, je pense qu'on a eu une belle progression, malgré qu'on a une box un peu plus vieille que l'an passé. L'an passé, on avait trois porteurs de ballon recrues, puis beaucoup de joueurs de ligue de première année, donc ça a vraiment paru cet hiver. Pour l'insertion des jeux, des formations, ça a bien été, ça a été plus rapide que les hivers précédents. Ça, sais-tu, j'ai oublié de poser la question à Nick Menacci et à Jean-Philippe Caron-Tremblay, mais je vais t'en poser. Parce que quand vous partez en saison hivernale, normalement, il y a toujours un programme. Les joueurs de football, ils ont toujours un programme à suivre pour le conditionnement physique. Ils ont également, j'imagine, des jeux à simuler, parce que le football est tellement compliqué comme sport. Donc, le cahier de jeu à simuler, ainsi de suite, s'il y a des choses qui changent, ça sert un peu à mesurer ça aussi, hein? Ben oui, c'est beaucoup ça. C'est voir l'état physique des gars. Okay. Nous, on a des entraînements dirigés, là, les speed training une fois par semaine. On les amène à faire de l'haltérophilie, puis on va au CrossFit Jonquière, juste à côté du cégep ici, deux fois semaine. Puis ça, tout est payé par le programme de football. Les jeunes font juste se présenter là. J'ai un préparateur physique qui s'occupe de la séance avec le propriétaire du gym, Yves-Éric Pilote, qui donne un super coup de main, qui est un ancien gaillard d'ailleurs. Lui, il est un pro de l'haltérophilie, fait qu'on s'assure que les gars ont les bonnes techniques et tout, plus l'accès à la salle de conditionnement physique ici au cégep. Donc oui, les gars ont vraiment tout ce qu'il faut pour progresser durant l'hiver. Puis le gros ce qui démarque souvent les gars au niveau collégial, c'est la préparation physique. C'est okay. Là que les gars vont vraiment se différencier l'un de l'autre. OK. Puis j'imagine que s'il y a des corrections à faire, ben là, on les fait à partir de ce moment-là. Ouais, exactement. Si on a vu qu'il y a des gars qui ont eu plus de difficultés, qui étaient peut-être un petit peu en arrière, mais c'est à ce moment-là, souvent les gars vont le réaliser par eux-mêmes. Ils voient que c'est un peu plus difficile, puis qu'il y a eu des choses un peu plus. Il est en arrière de certains autres joueurs qui ont pris l'entraînement un peu plus au sérieux. Parce que si les gars ils viennent, nous on les oblige à y aller, ils viennent tout. Mais à partir de là, c'est pas tout le monde qui va se développer de la même façon. Puis dans l'ensemble, t'es-tu content de ce que t'as vu pareil? Tu m'as dit que oui, t'as eu un bon camp d'entraînement, mais dans l'ensemble, les joueurs respectent vraiment tout ce qui a été mis dans le contrat, quoi. Ouais, on en a certains que ça a été un peu plus difficile, mais c'est sûr que c'est ça. Il y en a plus que ça a été un peu plus difficile. Il y en a qui, tu sais, quand tu t'es jamais entraîné aussi, c'est plus tough un peu de vraiment faire le saut et tout ça, d'avoir des résultats rapidement, parce que dans l'entraînement, au début, nous, on insiste beaucoup sur la technique. Tant que le gars n'a pas une bonne technique, on monte pas les poids, on y va vraiment. Fait que un gars qui sait déjà s'entraîner, qui sait mes gars de PWD, les gars de Dom Racine, des gars comme ça qui souvent au sport études l'apprennent déjà, eux, ça va beaucoup plus vite parce que les techniques, ils les maîtrisent déjà, simple petit correctif à faire. Tandis qu'il y a des gars qui arrivent des places où ils sont pas vraiment entraînés. C'est sûr qu'eux, ils vivent un peu plus de frustration parce que faut que tu aies la bonne technique avant de mettre du poids. C'est surtout la première année, j'imagine. C'est surtout les joueurs de première année de quoi tu parles. Ouais, exactement. Mais même à ça, des fois, on a des gars de première année qui arrivent. Je sais que j'ai quelques gars de PWD, c'est le gym, c'est déjà inculqué dans le vie depuis le secondaire 3. Les gars sont habitués à s'entraîner 4-5 fois semaine. Puis Pat Boudreau, là-bas, fait un super job au niveau de la préparation physique. Donc, eux, je te dirais que pour les gars de PWD, c'est très, très, très facile. Puis il y a des gars de Saint-Félicien aussi qui sont bien préparés. Là-bas, Kevin, qui a aussi une formation de préparateur physique, ben je fais des bonnes choses là-bas. Il y a d'autres gars qui arrivent avec des programmes, c'est un peu plus difficile. Puis des fois, les choses avant, là, faisaient des bonnes choses, mais quand le kid aime pas ça, ben nous, les amener aimer ça. Ouais. C'est pour ça qu'on fait toujours des entraînements en groupe aussi. Tu sais, en haltérophilie, on a toujours des groupes de 8 à 10 joueurs pour que les gars se gardent motivés, travaillent en groupe, on peut s'encourager. C'est plus motivant d'aimer l'entraînement quand tu y apportes du plaisir. PWD, pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est le pavillon Wilbrod du Four d'Alma. Donc, tu l'as abrégé, là, mais... Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Hey, François, qu'est-ce que tu as fait faire au cours de cette fin de semaine-là? Et... Ben, nous, maintenant, j'aborde vraiment mon hiver. Avant, le préquin était comme distinct, c'était une fin de semaine, tu faisais venir... Nous, ce qu'on a décidé de faire depuis quelques années pour gagner du temps, c'est une progression. Dès la première pratique hivernale, on a une progression d'établi, c'est-à-dire que de la première pratique hivernale à la fin du pré-camp, on sait qu'est-ce qu'on veut rentrer, qu'est-ce qu'on veut travailler. Puis on décolle comme ça, donc de façon, on commence avec nos choses de base, puis on avance un peu plus dans le système. Le but, c'est d'arriver au mois d'août avec une base pour tout le monde, donc les premières années qui sont en secondaire 5 qui puissent déjà venir à ces pratiques-là. Donc, c'est sûr que des gars qui manquent un peu des pratiques, tout ça, c'est un peu plus difficile. Mais on veut toujours aller au rythme des plus rapides. Puis c'est aux autres, après ça, nous, on travaille avec les plus jeunes ou les gars qui ont un peu plus de difficultés à assimiler le système en one-on-one rendu au mois d'août pour les aider à rentrer. OK. C'est vraiment ça, puis ça a super bien été. Pourquoi une fois deux semaines plus tard que les autres? Moi, le but cette année, c'est un essai. Je mets une semaine un peu trop tard. Ah ouais, OK. Fait que l'année prochaine, probablement qu'on va mettre ça la deuxième de mai. Pourquoi pas la première de mai? On est en plein dans le crunch des examens au cégep. Puis là, on le cancelle une fin de semaine complète. C'est-à-dire que le pré-camp, c'est le vendredi de 18h à 22h. Le samedi, de nous, le samedi, c'était de 8h à 20h le soir. Okay. Donc de 8 à 8. Et le dimanche, c'est de 10h le matin à 3-4h l'après-midi, le temps de faire les rencontres individuelles. Donc moi, je trouvais que le faire la première fin de semaine de mai, quand les gars ils ont leur grosse semaine d'examen tout de suite après ça, j'aimais pas ça. Je voulais que les gars aient le plus de temps de sa préparation d'examen. C'est que c'est vraiment pour ça que je l'ai changé. Ce qu'on a fait cette fin de semaine-là, pour gagner, étant donné que les pratiques hivernales, on est en gymnase, j'ai fait une pratique le 5 mai, sur mon terrain synthétique, donc on a fait une journée de deux pratiques. Fait qu'on a fait un 5 heures de pratique là, qui nous a fait gagner, parce qu'à l'intérieur, on va s'entendre que tes receveurs, tes demi-défensifs, dans un gymnase, on stagne assez vite en termes de technique. La balle, on peut pas la lancer bien, tes corps arrière, c'est pas bien non plus. Fait qu'en même temps, ça m'a fait gagner une journée d'entraînement le 5 mai. Fait que nous, on a fait un 5 heures là, mais ça laissait le vendredi soir, puis même le samedi soir et le dimanche, à mes joueurs pour leur étude. OK. Ben, c'est sûr, c'est bien intéressant. À la lumière de ce que tu as vu, est-ce que c'est sûr qu'il risque d'avoir des changements d'ici à l'automne? Mais bon, là, tu as fait un bon recrutement cet hiver. Tu as acheté quelques bons joueurs, dont un joueur qui était très, très intéressant de Saint-Jean d'Arc, Marc-Antoine Robert. Mais à la lumière de ce que tu as vu, est-ce que les Gaillards vont être encore une des deux, trois équipes dans la ligue à battre? Oui, ben c'est difficile de dire un classement, mais on va être très bon. J'ai aucun doute qu'on va être excellent. Au mois d'août, je vais pouvoir peut-être me mouiller un peu plus, parce que là, on attend, je suis dans la réussite scolaire beaucoup. Là. Ouais. Les résultats vont tomber d'ici la fin de la semaine. Mais tu sais, oui, c'est très positif. On a vraiment un beau groupe. On a des gars qui sont très solides. On a vraiment des bons porteurs de ballon. Les trois vont être à leur deuxième année. Ils vont être difficiles. Là. Jordan Fortin, après ça, t'as Mathieu Lachance, puis Glody à la fou. Là. Les trois vont être incroyables. On a une ligne offensive plus vieille, plus expérimentée, donc on devrait être très bon à ce niveau-là. Des bons receveurs aussi. Deux carrières de première année dans notre système, Alexandre Voisine et Frédéric Clemens. Les deux font bien jusqu'à maintenant. Les deux assimilent le système. Faut les habituer parce que nous, on est RPO. Là. On appelle ça Run Pass Option. Donc, notre attaque, on sait jamais si on va lancer ou de, c'est les jeux improvisés, autrement dit. C'est l'action d'un joueur défensif qui va déterminer qu'est-ce qu'on fait. Si le joueur défensif reste large, on court à l'intérieur. Si le joueur défensif vient au ballon, le carrière garde la balle puis va la lancer à l'extérieur. Donc, ça prend justement pour le carrière, ça prend, j'imagine, un cahier de jeu plus étendu aussi. Oui, ben c'est surtout c'est de pratiquer, de prendre la bonne décision quand même dans le feu de l'action, parce que il reçoit le ballon, il descend sa balle, il mèche avec le porteur de ballon, puis à partir de la réaction défensive, il va prendre la décision. Puis présentement, notre taux de réussite de décision, il n'est pas encore ce qu'on veut, mais c'est normal. Mm. Je veux dire, quand tu n'as pas joué ça beaucoup, c'est quand même assez difficile. Mais là, les gars ont progressé, c'est ça qu'on voulait. Puis maintenant, à l'automne, tu sais, puis ce qu'il faut qu'ils comprennent, souvent, ils ont tendance à être gourmands puis garder le ballon. Mais dans le doute, la règle, c'est donne le ballon au porteur de ballon. OK. Donc, c'est ça qui reste à appliquer. Je pense souvent, on est trop gourmand, on garde le ballon, puis on n'a pas à le garder. Puis si on le garde, puis on n'a pas à le garder, ben il n'y a pas d'option vraiment après ça. Donc, OK. Ça va être des travailler dans le système, mais ça, on a une belle progression des deux. Dolbeau-Mistassini, le haut du lac, y a-t-il des joueurs qui se sont démarqués? C'est sûr que c'est peut-être pas le moment de voir des gens qui se sont démarqués lors de ce pré-camp-là, mais quand même. Non, ben c'est sûr. Ben, tu sais, c'est sûr, tu as Marc-Antoine Robert, t'en as parlé plus tôt. Ouais. Il va être un joueur d'impact à sa première année, là, il n'y a aucun doute. Jordan, ouais. Il est prêt. Physiquement, il est A1, tu sais, il est dominant déjà physiquement. Reste à assimiler le cahier de jeu parfaitement. Mm. Des fois, il fait des petites erreurs, mais c'est parfaitement normal. Philippe Lavoie va être le meilleur joueur de la ligue défensive de la ligue. Phil est d'une classe à part, s'en va au championnat mondial cet été au Mexique, là, va représenter le Canada. Un des 6 linebackers au Canada. Le seul joueur de la division 3 à faire partie de l'équipe Canada. Phil, c'est un joueur d'exception, donc il va... Ben ouais. Ça, c'est Ligue canadienne directement, ça. Ben, on va y aller étape à la fois. Universitaire et direct, ça, c'est sûr. Je te dirais même qu'il y a le choix de son université, là. Toutes les universités courent après, pas mal, là. Ouais. Donc c'est sûr. À partir de là aussi, on a Simon Gagnon. Petit problème de genou en fin de semaine. Simon n'a pas pris de chance. Mais on sait que Simon, comme quatrième année, va être un demi-défensif exceptionnel. Là. Un excellent. T'sais, nos deux demi de coin qui sont des gars du haut du lac, Simon Gagnon puis William Saint-Pierre vont être extrêmement difficiles à battre. Deux demi de coin d'expérience, des gars rapides. Simon est un peu plus physique, William a un peu plus de vitesse, un peu plus de football IQ, mais les deux sont extrêmement solides. Ensuite de ça, ben Alexandre Voisin, une belle progression, encore beaucoup de travail à faire. Lui, c'est un transfuge pour les gens qui se posent des poses. Ouais, exactement. C'est un transfuge des gaillards, des cougars de Chicoutimi. Exactement. Ouais. Donc, travail sa mécanique de lancer un petit peu, puis l'assimilation du système aussi, et ça y va. Puis on a Jordan Fortin qui, comme porteur de ballon, va être encore très, très, très solide. Ouais. Jordan Fortin, c'est un gars qui est plate à plaquer, donc c'est sûr que ça va être encore ça pour cette année. Donc, pour nos gars du lac, là, ça ressemble à ça, qui sont bien démarqués. C'est une belle... On est bien contents, là, de... Effectivement. C'est l'hiver qu'ils ont eu. OK. Ben, François, c'était bien intéressant. On va se reparler dès le début des classes. Avec le début de la saison, on va se parler régulièrement. Ça marche, Danny, toujours disponible. L'instructeur des Gaillards de Jonquière, François Labelle.